Dis donc, il est giron ton petit sommelier. Le bon cru. Murder on the beat, so it's not VIP my squad, drop off all the game. VIP the lane, VIP the chain. VIP my squad, drop off all the game. VIP the lane, VIP the chain. Yeah, follow alert, little bit of bitch on color alert. Yeah, follow alert, go get the file when I'm calling a merc. Yeah, profit come first, I with the baby gon' birth. Yeah, I bought a clan, then one of my verse. This shit bigger than you. I'm taking on a new path. Making them bitch take a bath. Little bit of bit through the mouth. Yeah. Little nigga, who are you? Must be bulletproof. This shit bigger than you. This shit bigger than you. Chain so big, shoulda came with a kickstand. Fuck with me, I got a real chain on the hit, man. Barely came up out the mud like quicksand. I show you how to get meals, nigga, that's a meal plan. Now, yeah, Winnie alone, cardio braces on all of my arm. Yeah, halo my son, in the wheelchair and I still perform. I don't make excuses, you know that I'm hungry and still got a juice. You set a dog like a Cleo, I set a dog like a Boost. Yeah, follow alert, little bit of bitch on color alert. Yeah, follow alert, go get the file when I'm calling a merc. Yeah, profit come first, I with the baby gon' birth. With it. Yeah, I bought a clan, I bought a clan, then one of my verbs. This shit bigger than you, I'm taking on a new path. Making them bitch take a bath, little bit of bitch do the math. Yeah, little nigga, who are you? Must be bulletproof. This shit bigger than you, this shit bigger than you. Young champagne checking in, man. Titty boy shit ringing off. Remember I was on prepaid, I would act like my shit was ringing off. Remember shorty told me she thought the rap's good, but the singing's off. Watch on young dro now, man. Boy, you ain't shit blinging off. Where the racks at? Rack. All I know is they keep coming to me like a flashback, nigga. What? What? Half a million out in Vegas, it ain't all blackjack, nigga. No. No. Sinatra, but we can never be the Rat Pack, nigga. No. Yeah, follow alert. Little bit of bitch on color alert. Yeah, follow alert. Go get the file when I'm calling a merc. Yeah, profit come first. I with the baby gon' birth. With it. Yeah, I bought a clan. I bought a clan, then one of my verbs. This shit bigger than you. I'm taking on a new path. Making them bitch take a bath. Little bit of bitch do the math. Yeah. Little nigga, who are you? Who you? Must be bulletproof. This shit bigger than you. This shit bigger than you. Touchscreen on my cars, vintage one or two. I just bought a watch that's plain like a Dickie suit. I sipped some red wine and chased it with the 42. They asked me what I call millions. Coming soon, yeah. I just cashed out. I ain't got time for a beef, I'm a cash cow. When I was a juvie, I made them back out. It was 400 degrees, you would've passed out. Yeah, follow alert, little bit of bitch on color alert. Yeah, follow alert, go get the file when I'm calling a merc. Yeah, profit come first, I with the baby gon' birth. With it. Yeah, I bought a clan, then one of my verbs. This shit bigger than you, I'm taking on a new path. Making them bitch take a bath, little bit of bitch do the math. Yeah. Little nigga, who are you? Who you? Must be bulletproof. This shit bigger than you. This shit bigger than you. VIP my squad, drop off all the game. VIP the lane, VIP the chain. VIP my squad, drop off all the game. VIP the lane, VIP the chain. Bonsoir à tous, bienvenue dans Les Bons Crus, vous êtes avec Julien et Jérôme, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, et ce soir on a un programme très assez énorme, assez huge. Ouais, un programme atlantesque. Voilà, on va parler de l'homme téton devenu l'homme aux deux chaînes, Two Chains. Two Chains. Donc on vient d'écouter un de ses titres très récent, Bigger Than You. Ouais. C'est un de ses derniers singles. Tout à fait, je crois que c'est sorti le 15 juin, donc oui, c'est il n'y a pas longtemps. Voilà, donc parfait pour introduire le personnage un peu plus grand que nature. Donc déjà, Two Chainz, c'est un rappeur qui fait quasiment 2 mètres. et qui impose à chaque fois par sa prestance dans les clips, on le voit toujours plus grand que les autres et tout ça. Ouais, il est finement habillé aussi, finement stylisé. C'est un mec qui impose, qui a un style. Bon, finalement, ils ont un peu tous ce même style avec les Versace, les machins et tout, mais il a quand même un peu sa touche. À chaque fois, je trouve, il ramène un truc de plus. Ouais, clairement, clairement. Et donc, ce 2 Chainz, il a commencé sa carrière, enfin, il a commencé à être très connu. Il a explosé début 2010. Il avait déjà plus de 30 ans. Ouais. Et beaucoup avec. En fait, il a fait beaucoup de featuring à cette période. Ouais, il était un peu partout pour. C'est un peu la méthode au final, hein, même que n'importe quel, même les rappeurs français peuvent utiliser, c'est se placer un petit peu partout. Ouais. Pour, ou alors, t'as le choix, soit tu te places un peu partout, soit t'invites. Plutôt rare et. Ouais, et ou alors t'invites un gros sur ton album pour te faire connaître. Enfin, c'est un peu deux méthodes. Mais oui, il s'est imposé partout. 30 ans, on peut dire, c'est quand même assez tard pour un rappeur américain. Quand tu vois surtout les rappeurs de maintenant, Rich Homiequan, machin, tout ça, tous ces mecs-là. Même les Gunna, tout ça, ils sont hyper jeunes. Hein. Hyper jeunes. Donc du coup, c'est vrai que c'est un mec qui arrivait sur le tard, mais qui avait déjà une énorme carrière au départ dans l'underground d'Atlanta, au final. Dont on parlera un peu plus après. Donc il a fait plein de featuring comme ça et à chaque fois il volait un peu la vedette des artistes, donc notamment sur un morceau qu'on va écouter là, donc c'est Ali Boumaye, c'est en 2012, c'est sur l'album de The Game, Jesus Peace, donc qui était un assez bon album de The Game, mais il se fait clairement bouffer par 2 Chainz. Pareil, il est arrivé à ce moment-là sur le label de Kanye West, Good Music. Enfin, c'était à peu près à cette période, je sais pas si c'est exactement à ce moment-là, mais il y avait le Cruel Summer et tous les couplets de 2 Chainz étaient mortels sur les morceaux. Il a vraiment une façon de rapper à part, je trouve, qui est personnelle, et la voix et le gimmick que tout le monde attend avant qu'il arrive, c'est 2 Chainz. Et voilà, et là tu sais que c'est la guerre. Et le yeah. Ouais, voilà. Les adlibs sont vraiment incroyaux. Donc on écoute ça et on revient après pour parler un peu plus de sa carrière. Get my people out them chains, nigga. I mean handcuffs. Time to man up. Put my hands up. Fuck you saying, bruh? Cause I'm a black man in the phantom. Or is it cause my windows tinted? Car cost 300,000 and I blow endo in it. You mad cause your daughter fuck with me on spring break? Well, I'ma fuck her till spring break. Roll another one cause I'm winning. In my photo, looking real photogenic. Gentleman attire in threads that won't expire. I'm in a class of my own, my teacher got fired. Money getting long, pussy rate keep rising. Versace outfit cost me 3,000. From the P houses, did it from the wee hours. Selling that chicken, no lemon pepper, no sweet and sour. First you get the power, then you get respect. I'm getting so much money, I can buy your bitch. Take it how you wanna, if you wanna take it. I like clubs where all the women working naked. Fell in love with a waitress, what the fuck I'm thinking? Bought that whole ring, it was for a pinky. That's pimping, that's slick. Got a bottle of cologne that costs more than your rent. Fuck y'all mad at me, folk. Got a black card and a black phantom with a white bitch in Idaho. I do the same thing in Montana. Got a thick bitch in Atlanta. Got a red bone in the shot. Got 2 Chainz, they 2 tone, 200 racks, no lie. Ale Boumaye, Ale Boumaye. I'm about to rumble in the jungle in these new Kanyes. Ale Boumaye. Ale Boumaye, my lawyer threw them gloves on and beat another case. Fuck y'all mad at me, folks, cause my belt got 2 G's on it. Her bag got 2 C's on it, my daughter stroller got D's on it. Whoa, free Big Meech, free Boosie and see murder. Like New Orleans, like Baltimore, come to Compton, you'll see murders. And my ARC murders, that's beef, nigga, no burgers. I'm insane and you Usain, nigga, better turn on them burners. Got coke swimming in that glass jar, bitch, go turn on them burners. Got dope to sell in this hotel, no half price, no retail. You a bitch nigga, no female. I smack niggas, freeware. I'm on the block like D12. I got the white, no D12. Like a little nigga in Africa. I was born toting that K. And that's real shit, no Will Smith and no known the gate. But they yelling, Ale Boumaye, Ale Boumaye. Thank God that a nigga seen another day. Ale Boumaye, allez combailler. Got a chopper and a bottle, fucking let him spray. I take my case to trial, hire the dream team. Robbie Kardashian, Johnny Cochran, I seen things. I dream big, I think sharp. Inhale smoke, Hawaiian tree bark. Humble yourself, you not a G, keep it one with yourself. Running niggas for help, favors, I keep one on the shelf. I got rifles with lasers, swing it just like the majors. Hit you right above navel, now you swimming in pavement. Gold medals on my neck, I call it Michael Phelps. Wholesaling for less, I call them bottom shelf. Niggas tough on them blogs and never did nothing at all. On the road to the riches, bitches not tagging along. Bless his ass in the thong, hit that ass and I'm gone. Disrespect my nigga boss and I'm flashing the chrome. I'm waving the tech, titty spraying the Mac. Extend those in the back, on the lap. I got a bitch that look like Layla Ali sitting in my lap. Got a car from Skateboard, pick him up and lax. Speaking skateboards, where tune at? Fuck with him, I break a skateboard on a nigga back. 2 Chainz. Skateboard on a nigga track. No lie, no lie, already got a plaque. Mama got a house, daughter got accounts. Just to think a nigga like me started with an ounce. Bad bitches and D-boys, we bring them out. If them niggas pussy, we dush them, we clean them out. This the voice of ghetto intelligence. If you got work, go to work, don't work at your residence. For presidents, word to Muhammad, that triple beam is heaven sent. Riding through the jungles in that motherfucking elephant. That's a great ghost, great ghost. With them ears on it, swimming through the hood like it got fins on it. Tell me. You know I got that work on the foreman grill. Waiting motherfuckers in, made another meal. Got a nigga feeling like Cassius Clay. Driller and Manila, nigga want it, whoop his ass today. Ale Bumbaye, Ale Bumbaye. Thank God that a nigga seen another day. Ale Bumbaye, Ale Bumbaye. Got a chopper and a bottle, fucking let him spray. I am smoking on that gas. Life should be on Cinemax. Movie, bought my boo. Bigger tits and a bigger ass. Who he's not I. I smoke strong, not pie pie. Louis V's in my archives. Black diamonds are part-time. Bread up in my top down. On the block with a block out. Hit your ass with that block out. Dope enough to go in your nostril. I take your girl and kidnap her. Beat her to my mattress. But skeleton in my closet. It's probably when he dead ass rapper. He's proud when he pussy ass niggas. Don't try me, I pull that trigger. Got your car note in my cup, and your rent in my swisher. That pussy so good, I miss you. Head game so vicious, and all I get is cheese, like I'm taking pictures. I say fuck you unless I'm with you. If I take you out of the picture, I know real niggas won't miss you. No lie, no lie, no lie, yeah, yeah. No lie, no lie, no lie, yeah, yeah. Real niggas say word, you ain't never told no lie. You ain't never told no lie, real niggas say word. You ain't never told no lie, you ain't never told no lie. Real niggas say true, you ain't never told no lie. You ain't never told no lie, that's the thing I don't do. Nah, I just do it for the niggas that are trying to see a million before they die. What up? 2 Chainz and champagne, you want? True, that's true enough. Forbes list like, yeah, yeah, my office is my tour bus. She came through, she brought food, she got fucked, she knew us up. She think I'm the realest out, and I say, damn, that makes two of us. Oh, that look like, what's her name? Chances are it is, what's her name? Chances are if she was acting up, then I fucked her once and never fucked again. She could have a Grammy, I still treat her ass like a nominee. Just need to know what that pussy like, so one time is fine with me. Young ass, an intern, with money like I built the shit. Streets talking that confirm. Go ask them who just kept shit. Stay keeping my cup full, so I'm extra charged like a state tax. Me and Chainz go way back. We don't talk shit, we just say facts. Yes, Lord. I say fuck you unless I'm with you. If I take you out of the picture, I know real niggas won't miss you. No lie, no lie, no lie, yeah, yeah. No lie, no lie, no lie, yeah, yeah. Real niggas say word, you ain't never told no lie. You ain't never told no lie, real niggas say word. You ain't never told no lie, you ain't never told no lie. Real niggas say true, you ain't never told no lie. You ain't never told no lie, that's the thing I don't do. Nah, I just do it for the niggas that are trying to see a million for they die. What up? Name a nigga that wants some, I'll rap his ass, I'll trap his ass. Put his ass in a plastic bag with his trash ass. Take him out, bring him in, them whole things. Tupac without a nose ring. Thug life, one wife, a mistress, and a girlfriend. I did what they say I wouldn't. Went where they say I couldn't. YSL belt buckle. Y'all niggas show it looking. Y'all niggas show it lacking. Two chains on my rugby. Left hand on that steering wheel. Right hand on that pussy. Yeah. I say fuck you unless I'm with you. If I take you out of the picture, I know real niggas won't miss you. No lie, no lie, no lie, yeah, yeah. No lie, no lie, no lie, yeah, yeah. Real niggas say word, you ain't never told no lie. You ain't never told no lie, real niggas say word. You ain't never told no lie, you ain't never told no lie. Real niggas say true, you ain't never told no lie. You ain't never told no lie, that's the thing I don't do. Nah, I just do it for the niggas that are trying to see a million for they die. What up? On est de retour dans les bons crus avec Jérôme et Julien. Ouais. Et on vient d'écouter No Lie, et donc c'est 2 Chainz featuring Drake, que vous avez sûrement reconnu. Ouais. Donc c'est un bon duo quand même qui fonctionne pas mal. Hein. Grave. Ils ont fait beaucoup de morceaux ensemble sur des mixtapes. Sur, mais bah, tout à l'heure, on écoutait le premier morceau qu'on a passé, Bigger Than You, ouais, c'était Drake c'était aussi. Drake aussi, ouais. Mm. Mais surtout pour sous son nom, son nouveau blaze 2 Chainz. Pour son premier album, avoir un featuring avec Drake. À l'époque, bon après c'est pas Drake de maintenant qui est hyper... Enfin, il était quand même déjà vraiment connu quand même Drake. C'était quand même le Drake d'après 5000 Haters. Il me semble, je crois, oui, je crois. Et non, mais oui, c'était... Attends, je réfléchis. 2012, donc l'album sort en 2012. S'appelle Based on a True Story. Donc il fait référence à son micro-label qu'il a appelé True. The ça, Real University, donc True, et il va ouais. le mettre un peu partout dans les noms de mixtape, ouais. True Religion, etc. Et oui, je crois qu'à ce moment-là, Drake est pas encore au top, il a pas encore sorti ouais, le tube avait... Hold On You We Going On quelques années plus tard. Ouais, mais il avait déjà fait toute la mixtape avec Young Money où il avait fait dedans Bedrock et tout. Oui, oui, clairement, il était déjà, il a déjà fait des tubes avec DJ Khaled et tout, ça c'est clair, mais... Donc ouais. c'était déjà ouais. un gros feat, je trouve, pour arriver sur son premier album. Clairement. Et mais... puis, il avait le producteur en vogue, Mike Will, qui, bah a, ouais. qui mais... a fait beaucoup de choses avec Future, notamment à cette période-là aussi. Et... Je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, quand il est sorti cet album, il avait un peu fait... Enfin, c'était pas un flop, mais les gens avaient dit « oui, c'est bien, mais c'est pas... » Alors que franchement, je trouve que quand tu réécoutes, c'est clairement les fondations de ce que tu vas écouter plus tard de 2 Chainz. Ça part de là et c'est un album important au final de 2 Chainz parce qu'il pose carrément les bases de sa musique quoi, là-dessus. Mais je pense que c'est le revers de la médaille d'avoir été hyper présent sur ces 2-3 années. C'est-à-dire qu'il était partout. Il était sur tous les albums en fait, 2 Chainz quasiment à ce moment-là. C'est pas faux. Et du coup, il sort son album à lui avec des invités de marque et les gens n'ont pas autant kiffé peut-être que ses apparitions à chaque fois. Mais pourtant, il n'y a que des gros morceaux. Hein. Ouais, non mais clairement. Donc voilà, donc, ça c'était 2 Chainz à ce moment-là. Il était au top. Donc il a sorti la suite l'année suivante. Il a vraiment... ouais, je crois que c'est en janvier. Ouais, voilà. Ouais, la suite en janvier. Based on a True Story 2, dont on va écouter un morceau après. Mais voilà, avant ça, il s'appelait... Titi Boy et ouais. fait partie de Playa Circle. C'est ça, Playa Circle, c'est un groupe d'Atlanta, totalement, qui était signé sur le label de Ludacris. Ils s'étaient fait connaître avec leur single Duffelbag Boy. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Et il avait donc Player Circle, c'est donc un groupe qui est fait avec Dolla Boy. C'était son partenaire de toujours. Ou à l'époque, il s'appelait du coup Titi Boy pour ce truc avec sur Player Circle. Voilà. Et en fait, il décide en 2011 de changer de nom. Ouais, parce que c'était en fait, il a souvent démenti que ça soit une insulte envers les femmes à plusieurs reprises, mais il a choisi 2 Chainz pour que ça soit plus collégial, enfin plus familial, que ça soit plus doux. Ouais, que ça passe partout en fait. Voilà, que ça passe partout. On ne pose pas de questions. Oui, parce qu'apparemment, on le faisait que le faire chier avec son nom Titi Boy, et du coup, il en a eu marre, il a changé, il s'appelait 2 Chainz. Voilà, donc le morceau suivant qu'on écoute, donc c'est Where You Been. Ouais, c'est extrait du coup du deuxième album de 2 Chainz. Voilà, toujours un énorme banger, vous allez voir. Ouais. Dans le même esprit que le premier. Ouais. Alors là, pour le coup, bon, on en parlera après, mais c'est un album qui a moins, parce que autant tu disais qu'il a pas tant cartonné que ça le premier, c'est mais ce que j'avais eu l'impression. Le deuxième. Moi, j'avais l'impression que c'était la fin de 2 Chainz. Alors que premier, je trouvais qu'il était vraiment au top. Et en fait, bon, l'histoire nous prouvera que c'était pas la fin de 2 Chainz. Non, pas du tout. Et en plus, celui-là, là, ce morceau est aussi toujours produit par Mike Will. Ouais. C'est parti. Yeah. My hoes in check, you buy Nike for yours. Say they want that lie, I'ma bring that noise. Check my watch on the flight, yeah, I call that airtime. Merc, I'm in the middle of the street, that gon' be hit deadline. Yeah, you gon' respect mine, got a body on my tech nine. Say you nobody to somebody, gon' body you flatline. Pocket full of dead guys, and you know I'm anti-social, anti-lame, but anti-cool, nigga, ain't I? Looking at a star that's spaced out. They try to take my style and then take off. I go to work with no days off. Everything all paid off. Show the pussy has shade off. She did it just for me, nigga. Would skip you like a space bar, but I much rather delete, niggas. I been getting money, where the fuck you been? Hold on. I been getting money, where the fuck you been? Turn up. I been getting money, where the fuck you been? Yeah. I been getting money, where the fuck you been? A new crib just to fuck you in. I bought a new crib just to fuck you in. I bought a new crib just to fuck you in. I been getting to the money, where the fuck you be? Gucci hat, Gucci hat, Gucci belt. If you wrote an autobiography, you'll have to sue yourself, your lying ass. Codeine in my wine glass. I know you had a wild past. I ain't fucked you in a while with your wild ass. I get high and I fly past. I don't know nothing about iChat. I'm working this iPhone. They need an app called iTrap. iTrap, shining like a night lamp. I just hit my girlfriend and asked her where her wife at. White cup, white hat, laying on the white couch. Got that presidential and a residential. Dental White House, nigga saying ho, ho, like a white eye. You can see me shining, shining with the light eye. Come on, come on. I been getting money, where the fuck you been? Hold on, hold on. I been getting money, where the fuck you been? Turn up, turn up. I been getting money, where the fuck you been? Yeah. I been getting money, where the fuck you been? Bought a new crib just to fuck you in. To a 20, to 50, to 100. My niggas get money, I want it. Ride through the city, my niggas got chopper. My bitch, she's so pretty, that's my Pocahontas. Everything on me, I shine like a trophy. Run up a check while they watch out for police. Versace, my pinky, a brick on my rollie. That Cali Ferrari, I'm feeling like Kobe. TRU, that's to the death of me, nigga. Killers on the right and left of me, nigga. My destiny, nigga, to get all this money I can't share that whole recipe with you. My nigga told me, get him, get it, I got him. Stand on that couch, set your drink out the bottle. That 40 got hollows, that bitch, she gon' swallow. Get to that money, I'm king of Chicago. Yeah. Bought a new crib just to fuck you in. And what? Bought that Benz just to fuck your friends. Giuseppe's 900 with the gold bars. Everything about me wrong like a dope charge. I been getting money, where the fuck you been? Hold on. I been getting money, where the fuck you been? Turn up. I been getting money, where the fuck you been? Yeah. you been? Yeah. What's happening, Cap? That's cool right there. Ain't that much going on with me, man. Trying to hold it in the road. Wake up in the morning, roll a blunt, and then I count faint. Pull out the garage, hit a butt, and then the top faint. You ain't from the A, all you really did was migrate. Asking me if I'm great. Yeah, bitch, I'm great. Swerving down P Street. Yeah, bitch, I'm straight. Every day my birthday. Yeah, bitch, I get cake. You better get dough. Ho, you know I taught you better. Take all his cash, grab on his ass, write that trick a little letter. Came up a ballin' G, growed up a bunny C. Got me a Chevy, swap feet twice the same week. Shawty say she want me. Shawty know I run things. We used to wear the mask like Friday the 1-3. Then I found out I had that pimp in my bloodstream. Got me one hoe and then I got me a whole team. Had a starting five with a bench on the side. So for every bitch I got, she got a bitch on the side. Pimp all day, I even pimp in my sleep. When I wake up, I smoke a blunt before I eat. Don't violate, bitch, you know I taught you better. Take all his cash, grab on his ass, write that trick a little letter. Pimp all day, I even pimp in my sleep. When I wake up, I smoke a blunt before I eat. Ho, don't violate, bitch, you know I taught you better. Take all his cash, grab on his ass, write that trick a little letter. I got money on my mind, I got cash up on my brain. I got green up in my eyes and I ain't finna pass it, man. Never let a penny pass, never let a dollar disappear. And if you don't understand me, bitch, I'll make it crystal clear. Come coming down that Gulfway, passing by that Scalco. Candy on the car, nigga, pop my trunk, they have no choice but to watch the neon lights with my name lit. Pimp a hoe, stack the dough, yeah, I'm on that same shit. Lame, sit your ass up in the stands and eat a hot dog. This is for the big bosses, boy, and you are not hog. Never been an eagle, man, I never seen you soar through the sky looking super fly, cause you paid off a whore. You are not a pimp, but that don't pimp. You a fraud, buying pussy on the side instead of trying to break the broad. We don't do that over here. Matter of fact, we never did. So keep your distance from the circle. We ain't with that trickin' shit, bitch. Pimp all day, I even pimp in my sleep. When I wake up, I smoke a blunt before I eat. Ho, don't violate. Bitch, you know I taught you better. Take all his cash, grab on his ass, write that trick a little letter. Pimp all day, I even pimp in my sleep. When I wake up, I smoke a blunt before I eat. Ho, don't violate. Bitch, you know I taught you better. Take all his cash, grab on his ass, write that trick a little letter. Wide open, scoping, roping, hold that throw of bread. Pussy wet like April showers, twerking power, thorough head. Get deep in the mind of a pro. Take her where she never been, but where she wanna go. Unless she in the comfort of a monster with a mouth piece at the eye, reach her on stroll. Pimp shit, get risky and quick. Tell a bad bitch how I feel. Never lay back, gotta make a quarter. If it ain't a high roller, keep that pussy see. Some motherfucker, can you buy that? At the rhythm of a bass drum. Hit the club by the bar like a star. Take another nigga bitch, and I dare that nigga say something. I seen pimps and you ain't one. You're not close to me. I'm everything a real nigga supposed to be. You act like you did everything you could, but she was supposed to leave. Better neck like rosaries. If she ain't what she's supposed to be, I put her on game. She devoted to the notion of roller coaster, and that won't change. With my trunk on bang, sun on shine. Break a bitch down like a Corsica Vega. Fill up with the gumption and hit the ground running. And go and get me some gators. Yeah, suits with the tailor to fit the frame of a nigga all about his papers. Forever pimping, never slipping, forever recruiting. It's time not holding the majors. Pimp all day, I even pimp in my sleep. When I wake up, I smoke a blunt before I eat. Ho, don't violate. Bitch, you know I taught you better. Take all his cash, grab on his ass, write that trick a little letter. Pimp all day, I even pimp in my sleep. When I wake up, I smoke a blunt before I eat. Ho, don't violate. Bitch, you know I taught you better. Take all his cash, grab on his ass, write that trick a little letter. Et on vient d'écouter Titty Boy. Titty Boy. Donc l'ancien nom de 2 Chainz. Donc là, il était accompagné de Big Crit et Bun B. Donc deux. Enfin, une légende et un mec qui a fait un peu le renouveau du country rap tune. Grave, puis c'est un mec qui est tellement fan de Pimp C, j'ai l'impression. Quand tu écoutes, ça transpire le Pimp C. Donc, moi, Beat Crit, j'aime pas tout. Mais son dernier projet là, qui est sorti il y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai écouté. C'est vrai qu'on en a jamais parlé, mais c'est pas mal. C'est vraiment bien. Mais c'est country quoi. Moi, j'aime beaucoup aussi. Et donc, ça, c'était sur la mixtape Codeine Cowboy de 2 Chainz. Le titre est juste. D'ailleurs, il y a un titre on aurait pu passer le morceau aussi qui s'appelle Cowboy de 2 Chainz. Ouais, mais voilà, c'était un délire qu'il avait. Voilà, et ça, c'est une des particularités aussi de 2 Chainz, c'est de toujours amener les choses de manière assez drôle et décalée. Mm. En tout cas, pas forcément dans l'humour, mais en tout cas, toujours de trouver un angle d'attaque qui est toujours différent. Enfin. D'ailleurs, un de ses titres, I'm Different, c'est aussi. Mais oui. C'est un truc qu'il a toujours clamé, c'est je suis différent des autres, je suis pas comme vous. Je suis... Bon, tous les rappeurs le disent, mais lui, pour le coup, c'est quand même. Il sort du lot clairement par rapport à plein de rappeurs, surtout par sa façon de poser, sa façon d'aborder les beats, quand il rentre sur le beat et tout machin. Il a vraiment son style à lui. Comme il a toujours une présence. Ouais, une grosse voix, une présence. Je sais pas trop vraiment comment décrire tout ça, mais il a un truc, une aura un peu finalement quand il pose sur les morceaux. Et chaque fois, quand je sais qu'il y a 2 Chainz sur un morceau, même s'il est à la fin, j'attends pour écouter son couplet parce que je trouve vraiment intéressant quoi, à chaque fois. Ouais, clairement. Et donc, juste avant, donc on avait écouté son deuxième album qui, comme je disais, a été un peu moins acclamé par la critique. En tout cas, voilà, ça l'a un peu mis. Il est un peu rentré dans le star system, faire des featuring avec tout le monde, des stars à gauche à droite. Et voilà, après ça, il est revenu au mixtape parce qu'il en a fait beaucoup en fait avant ses premiers albums. Donc il a quand même une longue carrière avant d'avoir sorti le premier album. Et il a voulu revenir à la base. Ouais. À ce qu'il à la base de la trappe. De la trappe, ouais, carrément. Puisqu'il a appelé son prochain album, il l'avait appelé Freebase. Enfin, là on va parler d'un EP donc il a sorti juste après l'album. Freebase, ouais. Voilà, Freebase, ouais, qui annonçait la suite en fait. Et avec un morceau du coup qui s'appelle Trap Back aussi et qui raconte un peu ce truc de déjà c'est une instru totalement un peu dans un style un peu inédit pour lui. Il pose aussi sur des choses un peu plus expérimentales et voilà, il est là dans le discours. En tout cas, c'est ramenez-moi la trappe, ramenez-moi la trappe. Donc soit il parle de la trappe de Gucci Mane, soit Trap Back, c'est aussi en référence à Gucci Mane. Total. Enfin, voilà. Mais ils sont super potes avec Gucci, hein. Il y a pas plus tard qu'hier, il y avait une photo entre eux, ils sont tous les deux en train de se marrer. Ouais. Bah, Gucci, c'est le pape de la trappe au final, vraiment. Voilà. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, on ne va pas commencer à faire des débats, mais en tout cas, 2 Chainz et Gucci, bah voilà, c'est des grands copains. Et oui, 2 Chainz fait de la trap music et il sait ce que c'est, en tout cas la vraie trap music. Voilà. Donc voilà, donc, on est en 2014, donc c'est un an après le deuxième album. Il revient aux bases, aux sources avec Freebase, donc il reparle de drogue, de vraiment de ses trap house et le morceau est génial. Donc voilà, on l'envoie tout de suite et on continue de parler de sa carrière juste après. Yeah. Listen to fun niggas, let them know I'm still up in it, bit poppin'. Do so many shows and arenas, my nigga, I need me a locker. Look at my car, how did they get on them sixes? This phone come from Drizzy, he got it from Migos, they got it from 3-6. Look at my beaches, look at my Reese's. Realest nigga in the game, my nigga ain't no kind of fitted. Bitches is thick and delicious, doing the dishes. 100 million on my wish list, taking penitentiary chances. Just to drink lean in them Benzes. I want my trap back. I said I want my trap back. I'm from the apartments, used to walk around with work in my backpack. G's all on that shit. G's all in that bitch. Truck calling me by my government, running shit, gunning shit, shopping in London and loving it. I needed someone wait, to shut your mouth. Shut your mouth. I'm sorry. What did you say? You're just coming off stupid. I'm coming off as stupid. You're wearing tuxedos to a job that requires you to clean bathrooms. Please leave this office. We're done with this interview. Do we get any sort of souvenir? Get out of my office! I want my trap back. I said, I want my trap back. They saying that money talk, nigga, so you already know that I want my cash back. You niggas ain't talking about shit. Harry Levine. You would've thought that there was some kilos on my bus and they didn't find a thing. Hair made like Brillo. My flow, I'm a dealer. Catch me first class and Delta with Versace all on my pillow. I been seen a kilo. The dope man, my hero. Remember I had to buy Chevy, I said that bitch on some P-Zero. You know that I'm rockin' Bushimis. Animus raw sashimi. Her head is so cold, my nigga, I think that she gon' need a beanie. Rollin' and smokin' zucchini. Droppin' the top on the wheels, making them look like bikinis. I am now ballin' so hard, I should be on my own boxes of weed is all. I told her bounce it back. I told her ounce it back. I told her bounce it back. You been selling drugs for years. Ain't got a bird, nigga. You been selling weed, nigga. You ain't a plug, need a plug. You know I'm different from them. I'm from a different club. I got a Nina Ross. Ninth grade, getting paid. Sunshine, no shade. All day, every day. Southwest Atlanta, A. Okay. Let me start, nigga. Pipe me, baby. Can't deny. Transparent, see through it. I like it, then I buy. See through you, nigga, like Ziplocs. Gucci be all on my flip flops. Had me more white than an avalanche. I put that gas in the turkey bag. I told her ounces back. I told her bounce it back. I told her ounces back. I told her bounce it back. You been selling drugs for years. Ain't got a bird, nigga. You been selling weed, nigga. Yeah, plug, nigga. I'm back to my condo on Jupiter. You must forgot I had it. You already know who I'm at. I'm wearing Hermes as a habit. And I got a hat and a rabbit. So now that we got it established, who want a gunfight? Swung it from left to right. I got my bullshit. Ain't nothing nice. Ain't sacrifice. Went sex twice. That's how I feel, young nigga. Young nigga. Okay, I'm back at the end. Yo, schoolin' my nigga. What we gon' do on these niggas? Rockin' Medusa on nigga. Pocket Patrol. My cousin Cooler. Mean to say, my buzzin' Bula. Go ahead the units. Go ahead, big quick. I had a plug on it. I brought the cushion. See, I wanna rub on it. I miss that pussy. And I beat that pussy. Friendly reminder. Don't let me find you. I creep up behind you. I give you the Heimlich. You think it's a Heimlich. Then I'ma G5 it. To switch the climate. And this is Bugari. I know I'm not sorry. I'm getting married at Bennett Hunters. Had a reception at Follies. I told her ounces back. I told her bounce back. I told her ounces back. I told her bounce back. You been selling drugs for years. Ain't got a bird, nigga. You been selling weed, nigga. Yeah, I'm plugged, nigga. I told her bounce it back. I told her ounces back. I told her bounce it back. You been selling drugs for years. Ain't got a bird, nigga. You been selling weed, nigga. Yeah, I'm plugged, nigga. Et vous êtes toujours dans les bons crus, toujours une émission consacrée à 2 Chainz. 2 Chainz. Donc là, c'était un autre morceau d'une mixtape post deuxième album. Freebase, c'est ça ? Non, là, c'était Freebase, c'était le morceau oui, d'avant. Oui, le morceau d'avant. Excuse-moi. Et désolé. Là, c'était Danielson, Necklace Dunn. Donc ça, cette mixtape, c'était n'importe quoi. Elle a leaké, du coup, il l'a balancé sur Twitter parce qu'il était trop vénère. Ok. Encore un truc, mais bon. Au final, elle est vraiment pas mal. Il y a un morceau avec Drake qui est hyper lourd. Mais entre temps, il avait pas fait aussi un album commun avec Lil Wayne aussi. Cold Grove. Alors ouais, je sais pas. Cold Grove. Si, ouais. Ça c'est 2016. Oui, donc ouais, l'année précédente. College Grove, c'est ça. Ouais, Cold Grove c'est un jeu de mots entre college et. Ok, d'accord. Cold Grove. Ouais, okay. Donc album commun avec Lil Wayne qui était au plus bas dans sa carrière, je pense à ce moment-là. Non. Enfin, il était dans son procès contre Birdman pour ses droits, ses machins. Je me demande si c'était pas un album un peu pour aider Lil Wayne, en tout cas il est pas mal, il y a des bons morceaux. Il y a quelques bons morceaux, après c'est des fois le mixage est un peu bâclé, c'est pas au niveau que ça pourrait être, et puis surtout c'est sorti trop tard puisqu'il l'avait déjà teasé. C'était un peu comme le, je sais pas si tu te rappelles, bon je dévie un tout petit peu du sujet, mais le Lil Wayne avec T-Pain, ça s'appelait T-Wayne, et du coup ils l'ont sorti, genre ils l'avaient teasé à l'époque, un truc de fou, et ils l'ont sorti genre l'année dernière là, alors que ça faisait 8 ans qu'ils l'avaient teasé. Ils ont sorti Carter Faye aussi, ouais en dépit. Ils l'ont sorti en dépit. Alors il y a 3-4 bons morceaux, mais le reste ça commence vraiment à dater. Après moi je suis un fan de T-Pain, donc du coup j'ai apprécié, mais je comprends que personne ne l'ait écouté pour le coup. C'est clair. Ouais non mais c'est un peu l'idée. Donc voilà, donc là 2 Chainz il est revenu, il a continué à faire énormément de rap en mixtape et tout. Un album, bon, qui est passé un peu inaperçu. Et puis, il a préparé un peu son chef-d'œuvre où il a tout condensé. Il a mis tout ce qu'il savait faire. Donc, le côté un peu qu'on a écouté tout à l'heure de Titi Boy, un peu plus country rap, un peu plus vraiment Atlanta à l'ancienne. Tout le côté banger. Enfin, voilà, il y a tout dans ce. Donc, l'album s'appelle Pretty Girls. Excuse-moi, désolé. Pretty Girls Way, Like Trap Music. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé, je voulais pas du tout, mais c'est juste pour te dire que c'était. Il avait repris aussi ce côté Playa Circle un peu. Voilà, ouais. Voilà, désolé. Il a condensé un peu tout ce qu'il avait fait dans sa carrière, voilà, c'est ça. Ouais, yes. Et pour la promo, il a carrément ouvert une trap house. Ouais. Rose. Donc, comme sur la pochette. Comme sur la pochette. Donc c'est là où a été prise la photo. Ouais. Pour faire la promo, donc c'était. Voilà, à la fois un retour aux sources et en même temps montrer le côté un peu vraiment entertainment de la chose, quoi. D'être moins dur aussi dans les textes et tout. Enfin, voilà. Ouais, il a essayé de faire un truc, il a essayé de faire de la musique en fait, de la vraie musique, ouais. Autre chose que vraiment que de la trap. Et tu sens qu'il a mis beaucoup de cœur. En plus, ce qui est marrant sur cet album, la Pretty Girls Light Trap Music, juste avant la tournée, il s'est cassé la jambe. Du coup, il était tout le temps en béquille. Ouais, ouais non, même pas. Il était en fauteuil roulant. Ouais, voilà. En fait, au début, il pensait annuler la tournée, et finalement, il a décidé de repenser tout son show, d'engager un chorégraphe pour qu'il puisse apprendre des chorégraphies qu'il peut faire dans son fauteuil roulant. Et il a fait, en fait, il arrive sur scène avec un fauteuil roulant pimpé de dingue, avait poussé par des infirmières et tout. Et au final, il a fait un super show. Il a pas annulé tous ses concerts. Il a pris un bus, ce machin. Il a fait tous ses concerts dans les États-Unis, un truc de fou. Et ça a hyper bien marché. Et ça lui a fait un peu de buzz au final d'avoir fait ce truc avec sa chaise roulante pimpée avec des gros spinners sur les côtés et tout. Franchement, je trouve ça incroyable. Non, mais ça, c'est encore une idée de fou. Et voilà, et puis 2 Chainz, là, à ce moment-là, il est devenu. Il est allé encore plus haut qu'il l'était au début, dans le début 2010. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu un espèce de Snoop Dogg, quoi. C'est un mec qui fait partie de la culture populaire, quoi. Mais grave. Il fait des émissions avec Vice où il teste les choses les plus coûteuses du monde. Enfin, je l'ai vu, ouais. C'est magique. Il y a un épisode de The Raptors qui lui est consacré. Ouais, Rapture, ouais. Rapture, ouais. Il y a tout un épisode sur Rapture où il revient un petit peu sur sa carrière et surtout sur cet album Pretty Girls Like Trap Music où il explique la conception, pourquoi les choix des producteurs, pourquoi. Enfin, plein de choses. Et il y a cette anecdote aussi également que je viens de raconter sur la chaise roulante, tout ça. Donc c'est ça, c'est sur Netflix, regardez-le, ouais, c'est sur Netflix, franchement faut vraiment le regarder, ça dure une heure je crois, c'est assez condensé, c'est... et il y a des interviews où il parle de sa jeunesse, de ce qu'il a vécu, pourquoi il fait ça, ses influences et tout ça, c'est vraiment, et tu comprends un petit peu mieux Two Chainz quand tu regardes cette émission, tu comprends un peu tout ce qui, par quoi il est passé et où il veut aller en fait. Puis tu te rends compte à quel point il est devenu riche. Incroyable. Ouais, méga riche, méga riche. De toute façon, le rap aux États-Unis, rien à voir avec le rap en France, même s'il y a des gens qui sont arrivés à être riches grâce au rap en France. Mais les États-Unis, y a bien plus de monde qu'en France. Ouais. Déjà, voilà. Et il y a des rappeurs aux États-Unis qui sont inconnus pour nous en France, mais vraiment inconnus, et qui sont déjà millionnaires. Rien qu'en vendant des street tapes, des machins et tout ça. Alors, je sais pas si ça se vérifie maintenant, parce que maintenant la musique a changé, c'est le streaming, le machin et tout. Mais à l'époque, même quand c'était l'époque Deep Set, machin, tout ça, Lil Jon, tout ça, il y a des petits mecs, rappeurs, ouais, qui étaient que millionnaires grâce au rap, alors que tu les connaissais même pas. Alors, ils sont des fois, ils disent millionnaires grâce au rap, mais aussi grâce au hustle, à la drogue, à tout ça, à plein de choses. Titi Boy, j'allais dire, Two Chainz, il vendait de la drogue, à 15 ans il s'est fait arrêter pour possession de cocaïne et d'herbe, donc il a leur maison de correction et tout ça, donc c'est quand même pas un mec innocent. C'est pas innocent. Un tendre, ouais, à la base, quand même. Non, non, non, c'est un vrai mec de la rue, un mec de trap house, quoi, donc... C'est pour ça qu'il a fait cet album-là, je pense que ça lui tenait vraiment à cœur de revenir à ses sources et essayer d'influer finalement un style un peu nouveau, pas dans le rap d'Atlanta, parce qu'il y a plein de styles dans le rap d'Atlanta qui sont différents selon les rappeurs. Tu peux écouter du Migos, tu écoutes du Two Chainz, c'est finalement pas la même chose, c'est très très différent. Enfin, c'est très pas différent, mais pour moi c'est... Avec Gucci Mane, c'est les trois qui incarnent le plus ce qu'on peut appeler la trap music, clairement. Oui. Totalement. Le style d'Atlanta, on peut peut-être ajouter Futur, mais voilà, c'est vraiment... Totalement, tu peux ajouter Futur, mais il y en a plein, de toute façon, des mecs à Atlanta, des rappeurs Atlanta, il y en a plein. Avant, ça pouvait être autant Lil Jon, Lil Scrappy, ouais, tous ces rappeurs-là. Maintenant, c'est plus... Mais Gucci était déjà là à l'époque de Lil Jon, quasiment, enfin, à la milieu de l'époque de Lil Jon, donc du coup... Ouais, mais son style a pas mal évolué, mais... Oui, parce bon, qu'il a... On digresse, ouais, un peu, mais... Donc, pour revenir à Two Chainz, voilà, donc... On va vous passer deux morceaux qui montrent un peu l'originalité du projet par rapport... c'est sorti l'année dernière, hein, c'est ça qu'il faut voir. Oui, 2017. Et franchement, tout ce qui s'est fait à Atlanta, il n'y a rien qui sonnait comme ça. Il a, à part peut-être les Migos qui étaient avec Culture 2, ils ont amené un peu ce truc un peu plus, ouais, ils ont plus fait, chill. Ils ont fait aussi de leur côté leur propre expérience musicale. Donc du coup, je pense que cet album-là pour Two Chainz, c'était vraiment une expérience musicale. Enfin, peut-être pas une expérience, parce que je sais pas, je suis pas Two Chainz, donc je peux pas te dire, mais je trouve, pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il a essayé de pousser le truc un peu plus loin que juste de faire des tracks de trap bourrin. Il a essayé de faire un truc un peu plus... évasé et qui peut plaire à d'autres gens au final. Ouais. Donc on écoute Saturday Night, donc c'est encore produit par Mike Will. Et vous allez voir la guitare. Et juste après Good Drink avec du coup Gucci Mane et Migos dont on parlait juste avant. Y'all niggas lame for that. Shoot a man in his back, should be ashamed of that. Y'all nigga banging back, y'all nigga banging back. Then we gon' fade to black, then we gon' fade to black. Yeah, I left the crib walking, drove a Mercedes bag. You wasn't blessed with ambition, so who you gon' blame for that? Try to get off the act, still didn't know how to act. Still pull up in the back, send my ass right in the driver when he opened the door to take off his hat. Double Sobran everything so that you know it's a wrap. Double salute anybody that made it out of the trap. Some of y'all probably still owe me from back in the back in the back in the back in the back. I had that wet right in front of me. Fuck all you niggas, you wannabes. Most of you niggas is under me. I'ma get your ass on the seat. My car don't have car keys. My crib got palm trees. Smell like sardines. You need to get up on my lawn, please. This a real nigga conversation, real nigga demonstration. real niggas. No Chris Dollar Hill figures. A bunch of ignorant little niggas. A bunch of red young tenders. Dark skinned queens, Puerto Rican princes. Scrap my hammer, palm itching. Hit the dope, start twitching. This a new county kitchen. Marble countertop, see through fridge. 3,000 for the microwave, touch screen stove, little bitch. Please don't make me relapse. Maybe start back trapping. Everybody in the city saying that boy titted them started back snapping. I hit the trap today, I'm gonna hit the club tonight. Yo, I hit the trap today, I'm gonna hit the club tonight. Yo, I hit the trap today, I'm gonna hit the club tonight. Yeah, tell her let go have a bite. Tell her let go have a bite. Yeah, I hit the trap today, I'm gonna hit the club tonight. Yeah, I hit the trap today, I'm gonna hit the club tonight. Yeah, I hit the trap today, I'm gonna hit the club tonight. Yeah, treat every night like it's Saturday night, like it's Saturday night. I sat in the trap, no one cooked tonight. I treat my thirst straight like it's kryptonite. I stopped serving sex overqualified. Have you ever seen a homicide? Have you ever seen your partner die? Have you ever been traumatized? Even at graduation, had a bull bag full of yam. Trying to multiply enough for the nigga to factions. I got my paycheck on passion. I'm wearing for breakfast for fashion. Don't think it's a race when I pass you. Stop talking that mafia shit. You never met Meeks, J-Bo, or Ills. Looter charged me just to dip. Was there when Shaka got swung on by Tip? I'm like, oh shit, we gon' tear up this bitch. Pull out a stick when you put up your fist. I'm like, these niggas done fucked up my fit. Funny how heaven and hell coexist. Funny how life can put you in the mix. I sold the pounds and go hustle the bricks. I booked studio with the trap money. Lil Wayne used to come get the bags from me. You still asking niggas for gas money. I look at these rappers like crash dummies. I look at these bitches that fuck with these rappers like, bitch, you just fuck with my last homie. Keisha can come get the last from me. Heaven can come get the last from me. Harmony can come get the last from me. Halo can come get the last from me. Mama, I hit the trap today, I'm gonna hit the club tonight. Yo, I hit the trap today, I'm gonna hit the club tonight. Yo, I hit the trap today, I'm gonna hit the club tonight. Yeah, tell her let go have a bite. Tell her let go have a bite. Yeah, I hit the trap today, I'm gonna hit the club tonight. Yeah, I hit the trap today, I'm gonna hit the club tonight. Yeah, I hit the trap today, I'm gonna hit the club tonight. Yeah, treat every night like it's Saturday night, like it's Saturday night. Y'all. Treat my mattress like the ATM. Yo, bond number 9, that my favorite scent. Yo, can't forget the kush, I'm talking OG. Yo, rest in peace to Pop, he was an OG. Oh yeah, 285, I had that pack on me. I cannot forget, I had that strap on me. Yo, rest in peace to my nigga dog. True. All we ever wanna do is ball. That was the easy part. We playing that wheezy hard. We sit in the kitchen late. We trying to make an escape. Trying to make me a meal. So I'ma keep me a plate. I told Shawty can leave. So I'ma keep me a rake. So I'ma keep me a rake. My jewelry look like a lake. Today I'm in the Maybach. And that car came with some drapes. You know I look like a safe. I put you back in your place. I look you right in your face. Sing to your bitch like I'm Drake. Yeah. Good drink. Good. Big knots. Big knot. Good drugs. I put a phone on rocks. Yeah. Drop top. No hot box. No. 12 try to put me over. Pink slips to the cop. She said that my nigga give her this face. Put a dick in a real cage. Webs out, Kuta Kente. Diamonds clear like Bombay. Take your babies, no Harambe. Play with keys like Dr. Dre. 3K like 100. Hear a girl call her comfy. Scoochie. Your trunk in the front. Well, check this out, my top in the trunk. You play with my money, then check this out, your pop in the trunk. 3 million a month, but I just did 3 years on a bump. Oh, you in a slump, I'm headed to Oakland like Kevin Durant. What is your point? Square with the stamp for Kevin Durant. Lay on my trout, play with my cap and I knock off of your hat. I'm taking the cheese and killing the rest. Gucci bitch call me the cat with the rat. I'm swerving, but I'm in back of the bag. I'm Persian, man, I got help from my rat. I'm serving, I paid a bird for that. He nervous, I ain't got no word for that. He heard him on all of his purses back. He mixing this cereal with Percocet. She perfect and she got perky breasts. I just want some of that turkey neck. Trap of the year, I'm from Boulder Crest. You snitch of the year cause you told the best. Good drink, big knocks, big knocks. Good drugs. I put a four on the rocks. Drop top, no hot box. 12 try to put me over, pink slips to the cops. She said that my leg give her this face. Put a dick in a real case. Whips out, Kuta Kente. Diamonds clear like Bombay. Take your babies, no Harambe. Play with keys like Dr. Dre. 3K like 100. Yeah, your girl call her Comfey. Hey, Mike Dean. This shit hard as fuck, bro. You're a living legend, I appreciate that. Hey, Guwop, I'm glad you home, cuz. Quavo, you already know, man. You got Nace on these niggas, double salute, man. True shit. Two shit. Hell, we've killed him. Done your son, the necklace done. Sharpo Jr. Vermeil, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. On vient d'écouter du coup Good Drink avec, il me semble, Quavo et Gucci. Ouais, exact. C'était extrait de l'album Pretty Girls Live Trap Music dont on a parlé juste avant. Donc, énorme morceau là, franchement, du lourd, très très très très lourd. C'est hyper bien produit. Je sais plus comment s'appelle le producteur, c'est pas Mike Will, c'est certain. La nappe de piano est vraiment trop bien trouvée. Elle est un peu mélancolique et qui se mêle tellement bien avec l'autotune et de Quavo et Gucci qui fait le taf, bien sûr, comme d'hab. Et l'association Gucci 2 Chainz, c'est toujours gagné quoi. Donc voilà, on va essayer d'aller assez vite parce qu'on est sur la fin. On est sur la fin de cette émission. On va écouter du coup un de ses derniers singles là. Donc, ouais, Hot Wings, qui est extrait de Hot Wings, Our Girl Best Friend. Donc il y a toujours ce jeu de mots comme il avait fait Pretty Girls Live Trap Music. Ça me fait, il est resté dans le même. Il reste un peu dans la thématique. Ouais, dans la thématique. Et c'était sorti le 16 novembre. Et donc il y a deux morceaux. Il y a un morceau avec Tory Lanez, je sais plus comment il s'appelle, et l'autre c'est Hot Wings. Qu'on va écouter là. Voilà. Du coup, bonne soirée. Bonne et puis soirée. À la prochaine. Yeah. I got my spunk, Louis Vuitton, truck in the front. What are you doing? I look so good, don't call me up. She wanna suck, they send them Buick. I pull it up, they wanna fuck. We gon' get high, what are we doing? I got some perks, I got a pound, I got a crib. They gon' get to it, I got a semi, I got a Draco. Yeah. Tell my family, straight out of Clayco. Thought I was sweet, just like a Fago. But I had killers all on my payroll. Watch how I move, just like a rayon. 64 chain, just like a crayon. I bought a hat, one with the A on. Put on my dick, told her to stay on. I had a paper tag on three on. I had the top drop with the friend. I told him deuce one like them. I say deuce one like them. I go Bruce Wayne on your peon. Yeah. I fought with the Falcon truth. Yeah. Had more sacks than a lineman. I should got a Heisman too. Nigga, yeah. Ha, sugar they hiking it. Hype, check like a Nike hat. Yo, I got the Midas pack. Told her been quiet, relax. I got my hoe on the other line. I'm not bipolar, but borderline. I just my switch lane, drop her off, go back, get fried. That's all she want, hot wing. Bitch, you fucking for some hot wing. Bitch, you fucking for American deli. Bitch, you fucking for some eye cream. She just want her 20 piece. All flash with the lemon pepper. I was the first one to put her in a fur clad. Bitch, get your shit together. Bitch, they never flow before. Bitch, try to come through security with some tennis shoes on, ho. take the shit off, bitch. Real big, big boss music. Boss music. Big boss music, big boss, big boss music. Boss. That big boss music, big boss music. That big boss music, big boss music. Boss. Big boss music, big boss music. Boss. Big boss music, big boss music. Boss.